Ah bon? Oui, mais je la remplirai après. Là, je peux pas encore dire. 2. Écoutez, vous avez du temps maintenant pour la remplir. 3. Oui, je le ferai, mais je vais quand même pas le faire maintenant. Tout à l'heure, c'est normal. 4. Bon, faites comme vous voulez. Alors allez vous asseoir là-bas, on vous appellera.